Je teste plus particulièrement en français votre observation anthropologique sur les demandes des enseignants et sur le fait que uniquement une machine à café peut être une point de réunion. Justement, je voudrais rattraper cette division qui était plusieurs fois évoquée dans les analyses et dans le discours d'aujourd'hui. Entre le modèle de la gestion dirigiste du corps enseignant qui faisait aussi souffrir il y a 30 ans et qui faisait les effets, qui produisait les effets de l'isolement, et le modèle néolibéral qui est basé sur la concurrence individuelle qui produit un autre type de souffrance, une précarisation et disons une dépression plutôt qu'en colère, si on fait une comparaison avec la gestion bureaucratique. Comment voyez-vous les moyens de créer des espaces de solidarité organique, à part les machines à café? Alors, moi, disons que j'ai quasiment 30 ans de métier, je pense que c'est jeune, hein. Et donc j'ai connu des chefs d'établissement qui étaient humanistes, hein. Des proviseurs, des principaux, qui avaient vraiment, qui étaient proches des collègues, et vraiment, il n'y avait pas du tout cette conception caporalisante. Bon, évidemment, ils avaient leur manière d'être, leur personnalité, mais honnêtement, je n'avais pas de problème particulier avec eux. Hein. Et beaucoup d'enseignants aussi, bon, ont évolué, on savait bien que c'était un système inégalitaire, que tout le monde n'avait pas accès à l'école, des tas de choses qui n'allaient pas. Mais au niveau, strictement parlant, de la personnalité des personnels de direction, moi, j'ai connu des chouettes personnalités. Et alors là, depuis 10 ans, mais c'est l'inverse. Ah, c'est incroyable. Et j'ai connu plusieurs établissements, on rapprochait de Toulouse, par exemple, etc. Et plus j'arrivais sur Toulouse, plus c'était épouvantable. Et donc, aucun d'eux, depuis 10 ans, ne correspond quand même à un modèle relativement correct, quoi, de gouvernance. Donc c'est quand même un phénomène étonnant. Et donc ceux qui précèdent ne faisaient pas partie de l'ancienne formule. Je pense que c'était une situation intermédiaire, post-mai 68, hein, il faut quand même établir les choses, où là il y avait quand même un modus vivendi qui était relativement... bon, il y avait quand même une cohabitation, ça tournait, quoi, hein, sur le plan relationnel, hein, sur le plan humain. Voilà. Et moi, je suis une famille d'enseignants, hein, jamais on n'avait parlé de problème d'enseignants avec la direction de l'établissement. Hein. Donc, un autre niveau, puisque donc ça fait 3 générations d'enseignants dans mon cas, on peut dire que c'est les 10 dernières années qui sont les plus problématiques. Donc à ce titre, c'est le système néolibéral, la gouvernance néolibérale, qui est la plus critique pour la gestion des personnels. Enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. Et alors donc, pour répondre, oui, mais comment? Moi, je pense qu'il faut une prise de conscience politique des enseignants, et il faut travailler sur l'anthropologie culturelle. Moi, je pense que l'élément défaillant à l'université française, c'est la question de l'anthropologie. Parce que, bien entendu, la pédagogie, bien entendu, les sciences de l'éducation, mais il faut sortir aussi de l'ornière, je dirais, pas de l'ornière, mais du cadre enseignant-enseigné. Hein. Il faut quand même avoir une vision globale du système, elle est d'ordre politique, hein, on est bien d'accord, hein, et de philosophie politique, hein, et elle est aussi de l'ordre de l'anthropologie culturelle. Et tant qu'on n'aura pas levé le tabou en France sur la question du culturel, hein, au sens d'identitaire, au sens d'appartenance culturelle, hein, au sens progressiste du terme, on ne sortira pas de l'ornière. Et donc, les enseignants resteront dans une certaine, un certain clair-obscur. Je suis très embêté, j'ai tellement de questions et de choses à dire. Bon, ben, ça fait 25 ans que je suis engagé dans la formation des enseignants. Depuis 1972, les Finlandais ont supprimé l'inspection individuelle aussi. Ils inspectent les établissements. Et les établissements ont le droit de modifier les programmes au niveau local et ont un pouvoir de gestion localisé. Alors, si ça n'existe pas en France, ça a toujours été refusé. Les établissements publics d'éducation, les établissements publics locaux d'éducation, c'est toujours resté dans les dossiers du ministère. Une espèce de délégation de transfert sur une organisation locale ou d'une autre organisation locale n'a jamais été fait en France. Et ça pose, bon, pour moi, c'est entre autres parmi les nombreux problèmes, c'en est un. Puisque ça interdit aux enseignants de se réapproprier la pratique avec les partenaires au niveau local, ce qui laisserait quand même. Qui pourrait contribuer, entre autres, hein, à modifier la situation. Quant à l'écoute des expertises, hein, notre livre, je pense qu'il y avait beaucoup de choses, mais j'avais été lu par personne, donc c'est pas. Bon, mais enfin, je vais dire au niveau des décideurs, enfin. Bien perdu, hein. Oui, au niveau des décideurs, mais c'est pas la production d'expertise depuis 30-40 ans sur tous les problèmes qui ont été évoqués, notamment vos travaux sur la violence, etc., qui n'existe pas. C'est la réception de ces travaux et les mesures qui devraient être prises, dans lesquelles, là, il n'y a jamais de relais véritable, enfin, en tout cas de la part du ministère et de la technocratie, en tout cas, tel que je comprends. Alors, juste un point sur les compétences, c'est un point extrêmement compliqué, j'ai beaucoup travaillé cette histoire-là. C'est-à-dire, les compétences, elles sont prises dans trois à quatre trucs différents, en fait. C'est vrai qu'elles ont été introduites en France de façon technocratique, et non pas à partir d'une réflexion des enseignants sur leur propre pratique pédagogique. Mais elles ont été aussi mêlées à la redéfinition des métiers et à l'évaluation de ces métiers en termes de gestion de new public management. C'est-à-dire, elles ont été prises dans l'enjeu néolibéral, ce qui fait que la valeur pédagogique qu'elle pouvait avoir par ailleurs, qui venait beaucoup de la psychologie scientifique, beaucoup plus au départ, mais qui avait la psychologie de l'éducation, qui avait des incidences sur la psychologie du travail, etc., ça a été oublié, ça a été phagocyté dans un discours d'évaluation qui mêlait à la question pédagogique des questions de gestion du système et d'évaluation du personnel et des élèves en termes de performance. Et qu'il y a eu une indistinction qui s'est produite. Et je me permets de dire c'est très très souvent le cas, pas simplement en éducation, mais actuellement, qui va confondre une approche probabiliste et une approche déterministe. Oui. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous ne ferez pas ça. Si vous faites ça, vous ferez ça. Ce qui est le tout soi-disant en bannière de haine, pour faire vite, alors que c'est au contraire toute la variété didactique qui est derrière plus importante. Et puis il y a un autre problème avec les compétences, c'est qu'on peut leur donner beaucoup de sens, c'est un terme qui est très fluctuant. C'est-à-dire qu'il peut aller du côté des pédagogies alternatives, il peut aller du côté de l'interaction sociale qu'il y a dans les situations d'apprentissage, mais il peut aller aussi du côté d'une destruction des savoirs auxquels on substitue des items qui sont des items psychofonctionnels, comme le cognitivisme peut le promouvoir. Et à ce moment-là, on a encore un autre versant qui fait éclater les disciplines, qui fait éclater la cohérence culturelle des disciplines et qui les réduit à des fonctionnalités. Alors ça, c'est un autre versant aussi. Et là, ça intervient aussi au niveau pédagogique. Donc, si vous dites sur l'aspect, disons, quelquefois, les pratiques ou la notion de compétence, c'est effectivement, à ce moment-là, est enracinée dans l'histoire des pratiques alternatives, qui étaient en France exclues du système éducatif depuis très longtemps, et qui n'ont existé que de manière marginale sur les bords, dans les établissements pour les enfants à problème, disons, ou dans des écoles alternatives et des mouvements qui étaient sur des voies d'opposition, comme le groupe français d'éducation nouvelle, l'ISEM, etc. Et donc le lien entre les compétences et les pratiques, disons, actives, qui existent aussi, par exemple, dans la culture canadienne, en France, n'est pas aussi noué comme ça. Donc ça crée un dossier qui est extrêmement problématique, extrêmement noué, et où la réaction des enseignants est compréhensible par rapport au rejet ou au travail avec ces compétences, mais qui implique à ce moment-là d'adhérer à des politiques de gestion du personnel des établissements qui ne sont pas des politiques d'autonomie pour les enseignants, au moment même où on leur demande de développer des autonomies dans l'action pédagogique du côté des élèves. Donc il y a un certain nombre de nuages là qui sont extrêmement indémêlables. Et alors avec celui que vous avez évoqué, c'est que on a en France un conflit, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une gestion néolibérale de l'éducation qui a été introduite par les New Public Management, la révision générale des politiques publiques en France, ça se traduit comme ça, mais c'est aussi une gestion qui est héritée du Second Empire ou même du Premier Empire, c'est-à-dire une gestion extrêmement centralisée, alors on dit jacobine, mais moi je dirais napoléonienne, extrêmement autoritaire, extrêmement brutale, et dès que ça dysfonctionne, il y a une espèce de mélange d'injonctions néolibérales et en même temps d'autoritarisme avec des phénomènes caporalistes qui produisent des effets extrêmement délétères. C'est-à-dire on est dans une sorte de double injonction, à la fois à l'autonomie individuelle et en même temps à l'obéissance de manière extrêmement stricte à des dispositifs hiérarchiques. Alors sur ça viennent se greffer énormément d'autres problèmes, hein. Mais c'est le point que je voulais un peu préciser. Et moi je suis très en difficulté avec toutes ces questions parce qu'elles sont nouées de manière extrêmement toujours paradoxale dans des directions divergentes. C'est-à-dire que si on tire un fil, on risque de tomber sur un fil contraire et contradictoire. Et donc c'est très très difficile à dénouer et à tirer ce qui serait positif, disons, du point de vue d'une action pédagogique rationnelle et émancipatrice, puis ce qui relève de politique de gestion et justement de destruction d'autonomie des personnels dans leurs actes. En même temps, ce sera ma dernière intervention parce que vraiment, je vous prie de m'excuser, hein, je dois partir. J'ai promis à ma fille, elle ne sera pas du tout, même si elle est prise. C'est vrai et c'est plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis très bourdieuse à ce niveau-là. C'est-à-dire bon, l'interaction, c'est pas simplement entre deux personnes, c'est aussi le système autour qui permet l'interaction. D'accord. Mais il n'empêche que, et là, je le vois, mais je le vois tous les jours, parce que le fait d'avoir été un peu celui qui a mis à jour le harcèlement, vous imaginez bien le nombre de coups de fil de parents désespérés que je peux avoir, ou éventuellement de collègues. Les chiffres de ma dernière enquête, c'est quand même 28% de personnes qui répondent à avoir été harcelées dans les épisodes de leur fonction, à 60% par des collègues, dans le second degré, à 15% par la direction. Donc c'est d'abord les profs entre eux, il ne faut pas l'oublier. Bon. Mais en attendant, là, ce que je vois, c'est quand même qu'il reste aussi ce modèle d'anarchie organisée, si on veut, qui fait que un prof, il peut absolument rien faire. Rien. Là, par exemple, j'ai un cas d'une directrice sur Paris qui essaie vraiment de sortir de l'ornière un gamin qui est terriblement harcelé, contre son personnel, si on veut, contre ses adjoints qui ne sont pas ses adjoints, c'est ses collègues, puisqu'elle n'est pas de faire hiérarchique, c'est elle qui va se faire virer de l'école. Hein. C'est quel niveau de scolarité? C'est première. Première. Ah oui, non, non. Il ne faut pas oublier que quoi qu'il en soit, il reste quand même. Alors, ça peut être pour le meilleur et pour le pire, hein, faut pas l'oublier, un vrai pouvoir de résistance dans l'interaction des acteurs. Et en même temps, on va pas tout marcir, je le rappelle d'ailleurs dans le cas. Rappelons-nous une autre enquête que j'avais pas encore, l'enquête HBSC, qui montre que les adolescents français, c'est pas meilleur santé mentale que les autres. Bon, donc, il faut le redire. Et tout ce que je dis, c'est souvent à l'école des enfants heureux, enfin presque, c'est mon truc, mais à côté, le grand ras-le-bol des personnels. Donc, combien de temps ça va pouvoir coexister? C'est une vraie question. Et c'est vrai que sans, et là tu as tout à fait raison, s'emparer du bien-être des personnels, de la bienveillance pour les personnels, et d'avoir une vraie réflexion sur ce qu'est la gouvernance de notre éducation nationale, on va avoir du mal. Sans oublier que même les cadres de proximité, frappent bien qu'ils n'auraient pas été le contraire, hein, sont également en grande souffrance. Par contre, il y a une espèce de plafond de verre au-dessus de leur appui, si on veut aussi, là, bon, il y a une coupure avec les clients du terrain, c'est triste à dire parce qu'on devient poujadiste à la limite, mais elle est terrifiante. Excusez-moi. Merci pour votre. Merci, Henri Claude Labra. Je crois que vous voulez intervenir. Oui, parce que question pour trois, mais peut-être que vous deux. À la rentrée en septembre, je vais avoir la charge des licences 1 en sciences d'éducation de Grenoble. Et j'ai un cursus de filiation ici. Et je sais que j'aurai 200 étudiants qui sont proposés à 80% d'étudiantes. Et que dans l'information, à aucun moment, ils n'auront une dimension de réflexion politique sur leur métier ou sur comment est-ce qu'ils peuvent participer à la réflexion de leur école, des choses comme ça. Donc je me demandais qu'est-ce que vous conseillez de leur dire. Elles sortent du bac, hein, les anglais. Elles veulent quasiment tout, et un truc de CPE, mais avec quasiment tout être professeur des écoles. Et dans la formation, ils n'auront aucune ligne pour comprendre comment prendre le pouvoir dans leur école, alors c'est pas en ce sens-là, mais organiser, devenir directrice, devenir, etc., pouvoir avoir une dimension politique à leur métier. Je peux répondre aussi. Écoute, que ce soit une formation d'enseignants, comme ça a été évoqué par. C'est des catastrophes, c'est-à-dire c'est rien, hein, c'est des miettes, comme a pu dire Eric de Barbieux. Donc, aucun des problèmes qu'on pourrait évoquer, qui ont été évoqués, qui devraient intervenir, et sur lesquels il y a des demandes de formation, peuvent être traités, parce que c'est disloqué. Et c'est extrêmement à distance, en plus, de l'insertion des personnels stagiaires dans la pratique des écoles. Il y a une telle dichotomie entre, disons, la formation universitaires, puis leur insertion et les modes d'évaluation qu'ils subissent dans la titularisation, c'est tellement en tension et c'est tellement peu articulé que c'est absolument impossible de donner des réponses. C'est sur des temps en plus de formation très très courts, c'est-à-dire que il faut voir que la maquette des masters qui forment les professeurs des écoles ont été réduits à largement entre ce que c'était l'époque des UFM où il y avait une douzaine. Et la maquette des œuvres actuellement, c'est extrêmement réduit, c'est un minima. Et donc, aucune des questions abordées ne peut être traitée. Et surtout, elles sont relativement assez peu traitées en relation avec l'insertion dans les écoles et dans la pratique. il y a véritablement une césure entre les deux qui n'a pas vraiment d'articulation, mais c'est en partie lié à la modalité par laquelle le système des IFM a été défait, dans lequel les revendications des personnels du IFM en matière de formation n'ont pas été satisfaites. On avait écrit un texte, on était 400 à avoir signé un texte pour des propositions à programme national, ça n'a jamais été entendu. Toutes les décisions qui ont été prises après n'ont jamais été satisfaisantes du point de vue de ceux qui avaient, disons, une expertise et une intervention dans le cadre de la formation. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais rien n'est en place. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes se débrouillent, en fait, d'une certaine façon. Et puis l'articulation entre les, disons, ce qui serait la réflexion générale sur les pratiques et les besoins de gestion, justement, de la pratique, et puis par ailleurs les formations didactiques et générales ne sont pas bien faites non plus. Mais il n'y a pas le temps pour ça, il n'y a pas les équipes, il n'y a pas les pratiques d'intervention dans les équipes et des différences de personnel aussi entre l'université et les cadres de terrain. Il y a toute une culture et une interaction et des interactions qui n'existent pas. Ce fait que ça rend les problèmes très très compliqués. Avec ce qu'on a vu aussi, par exemple l'insertion, la loi d'inclusion, etc., les pratiques d'inclusion, ça pose des problèmes considérables. La question de la manière dont l'article de travail s'articule comme collectif ou pas au niveau des écoles. Beaucoup d'écoles ne sont pas des collectifs de travail, il y a des gens qui sont isolés là aussi. Alors que ça devrait l'être, beaucoup plus parce que ce sont des petites unités. Enfin, il y a tellement de choses que moi je pense. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais je ne crois pas à un site, j'ai envie quand même de faire mon mieux, c'est pas que j'ai envie de faire mon mieux. J'ai des liens, je prends les liens, je ne sais pas ce que je faisais. Mais quand même, dans ces licences, ces certifications, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est relativement intéressant parce que dans la licence 1, on a mis un peu de sociaux, un peu d'histoire, etc. Moi, j'ai quand même 36 heures de philosophie de l'éducation, donc c'est quand même conséquent. Et on est encore un petit peu éloigné quand même de quand on passe au niveau du master au concours, là effectivement c'est des modules de 6 heures, 4 heures, etc. J'ai l'impression que là on a quand même 3 ans, on a un peu un temps où on peut dire des choses, et oui pour le journalisme, pour tout ça, mais qu'est-ce que je peux leur dire en fait? Non, mais je parlais plutôt de la structure des masters et des licences de sciences de l'éducation, qui sont deux dispositifs qui ne sont pas forcément en conjonction. Ils ne sont pas vraiment conjoints. Et quand quelqu'un veut devenir prof à l'école, on ne va pas t'inscrire en licence d'éducation. Oui. Mais c'est un nombre minime de professeurs des écoles qui sont passés par la licence d'éducation. Ça correspond à 30% quand même. Oui, ici. Les gens qui font la licence vont ensuite au concours qui viennent professeurs. Les autres viennent d'ailleurs. Et donc, j'ai ça là. Il y a aussi des associations, comme il y a l'ISNAP, il me semble l'association Frédé, qui a aussi tout un travail de revue, de publication, quand même très intéressante, à mon avis, à la fois bien sûr sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan culturel, patrimonial, puisqu'ils ont, tout un répertoire thématique qui permet d'envisager les disciplines sous l'angle de thèmes co-construits avec les élèves. Donc moi, je citerai l'ISEM, et donc l'association Frédé. L'Institut contemporain de l'école moderne, c'est un réseau freiné qui est à l'intérieur de l'éducation nationale. Il me semble que pour effectivement le premier degré, c'est vraiment un référent à l'ISEM. Hein. Ça a été. Et donc Catherine Chabrin, actuellement, est une animatrice de l'ISEM. Et donc, il y a des publications qui, quand même, tiennent la route au niveau des documents pédagogiques pour la classe. Hein. Alors, c'est ça aussi, il faut se former les étudiants à la classe. Hein. Donc, ça, je pense que c'est très utilisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut déjà envisager le multiculturalisme dès le N1? Ah oui, tout à fait. Oui, il me semble que c'est de l'ordre du dialogique, hein, puisqu'effectivement ce sont des enfants qui sont d'origine diverse, de territoires divers, bon, sans insister bien sûr sur des différences clientes ou des choses comme ça, mais quand même, au niveau du brassage du public, je pense que le multiculturalisme peut être envisagé dès le primaire, hein, parce qu'il y a une curiosité naturelle, hein, chez les enfants, hein, qui les amène à dire on est différent, on a la même couleur de peau, peut-être que vous êtes quartiers. Donc vous trouvez des réponses à ça. Et dans les films en question sur le collège, c'est l'absence de réponse qui rendait les publics complètement malades, quoi. Parce que les enseignants n'avaient pas les réponses anthropologiques, philosophiques suffisantes. Pour dire, ben oui, mais la différence existe, la différence culturelle existe. Il faut bien comprendre que la République française, celle-ci, la cinquième, s'est construite quand même sur la base d'une indifférenciation totale des communautés. Elles sont de l'ordre du privé. Ce qui est reconnu par l'État français, c'est la citoyenneté individuelle. Mais c'est une citoyenneté abstraite. Ce qui est au pouvoir, c'est la domination culturelle de ceux qui ont le pouvoir. Oui, mais sur une base idéologique. Et une des bases de la domination, c'est l'abus. Moi, je suis pour la citoyenneté individuelle, mais moi, je ne suis pas. Mais c'est l'abus de la citoyenneté individuelle au détriment des paramètres communautaires. Et ça n'est pas être communautariste que de dire ça, mais c'est de reconnaître le fait qu'il existe des appartenances culturelles qui sont naturelles, hein, dans l'ordre social. Hein, c'est-à-dire, la première des appartenances, c'est celle du genre. Hein. Et on le voit bien, les hommes arrivent à communautariser plus facilement que les femmes. Hein, autour du mondial de foot, de rugby, des choses comme ça. Les femmes ont du mal à communautariser parce qu'elles sont encore dominées. Voilà, donc voilà le premier clivage intercommunautaire qu'il faut arriver à harmoniser. Hein. Et en Espagne, où la question culturelle est moins tabou, eh bien la question du genre est très institutionnalisée, hein, sous cet angle-là d'ailleurs. Hein. Et après, vous avez d'autres communautés, bien sûr, des communautés régionales, des communautés liées au territoire, bon, les quartiers populaires, hein, les origines ethniques. Tout ça, ça fait un panel, mais d'une richesse considérable. Donc si on arrive à inverser la tendance et à montrer que le peuple français est multiculturel par son histoire, du fait même justement des découvertes, des conquêtes, des colonisations et aussi des migrations en sens inverse, donc toute cette dynamique intercommunautaire, il faut arriver à la positiver et à lui trouver un centre de stratégique, si on peut dire, hein, une unité par-delà dans la diversité. Et ça, c'est vrai que, et ça, c'était pour répondre un peu à ce que vous disiez sur la question du déficit programmatique au niveau politique cette fois-ci. Moi, je pense que, et ça, c'est une interpellation qui est faite aux organisateurs pendant les manifestations du 5 mai et du 26 mai. Il faut intégrer les quartiers populaires à la conception programmatique. Parce que continuer avec les ghettos comme nous le faisons, et c'est la meilleure manière de nous diviser face à l'État. Et ce qui était très beau, ça m'étonne, c'était de voir le collectif, et ça a été salué, hein, le collectif Adama Traoré en tête de la manifestation parisienne du 26 mai. Alors là, vous avez interpellé les gens qui faisaient qu'une force politique nouvelle s'exprimait pour dire, mais oui, mais dans les quartiers populaires, toutes les inégalités structurelles que vous dénoncez, les dérives liberticides, les violences policières, nous, nous les vivons pas au centuple, je ne dirais pas ça, mais elles sont décuplées au moins. S'il y avait cet acte d'humilité du peuple d'origine française de dire « mais oui, c'est vrai que dans les quartiers populaires, ces inégalités sont décuplées, ou au moins doublées, et que on va, c'est une cause commune pour autant, et on partira aussi de notre programme sur les discriminations », eh bien je crois que ce pas politique étant fait, là on a quelque chose de construit par rapport au pouvoir d'État. Et donc c'est sur le plan scolaire que l'application doit se faire aussi. Hein, c'est-à-dire que l'école doit reconnaître les différences culturelles et aider les enfants au moins à dialoguer entre eux. Les écoles en Seine-Saint-Denis, elles ont 40 nationalités, d'origine de 40 nationalités différentes dans une même école. C'est... l'espionnage se constitue à partir de trois places, c'est-à-dire l'État, la société civile et la particularité. Et la France a fortement intégré la cité civile à l'État, une sorte de collusion républicaine, en exclusion de la communauté et donc de la particularité. Et il y a d'autres articulations possibles de ces trois places qui sont moins exclusives et qui sont moins jacobines. C'est la question de la dépendance de la société civile par rapport à l'État en France qui permettrait justement cet élargissement à l'expression communautaire au sein de la société civile et vis-à-vis de l'État. Mais la collusion entre société civile et État, comme moi je la mise comme ça, fait que la communauté est forcément exclue de la culture commune, puisque la civilité, c'est la citoyenneté et rien d'autre. Alors qu'on peut penser la civilité comme autre chose, la sphère de la civilité, que la sphère de la citoyenneté. Alors simplement, ça implique un autre schéma constitutionnel et social, et qui est assez en contradiction avec le modèle de la Ve République, en tout cas, qui a exacerbé cette contradiction, c'est-à-dire l'absence d'autonomie de la cité civile en regard de l'État. Alors, c'est un problème très compliqué, hein. En fait, c'est un problème de fond qui a été pointé par plusieurs personnes. Leurs travaux. Oui, au point qu'effectivement, maintenant, l'État, c'est moi. Et depuis la dérive sarkozienne, l'hyper-individualisme qui fait qu'on s'identifie au chef de l'Élysée, en disant l'État, c'est moi, on est tous des petits caporaux, chacun à notre niveau. Et Sarkozy a montré l'exemple, et depuis, on est tous là. Et Macron, bien sûr, jupitérien, joue à plein ce modèle-là, hein, effectivement, d'une chaîne de domination entre l'État élyséen et le citoyen. D'où l'individualisme atomisant, le phénomène de la démobilisation politique et compagnie qui intervient. C'est pour ça que la dynamique intercommunautaire est une manière de réactiver la citoyenneté dans une militante, donner un ressort. Il y a un autre groupe aussi de citoyens qui sont peut-être encore plus discriminés, c'est les éléments du TTF. Alors en 2005, on a une loi qui est un texte de loi assez fort, et quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure l'école, la formation des enseignants, c'est adapté à l'idée d'inclusion, parce que tout ce qu'on voit en termes d'inclusion, c'est que on dit à un enseignant qui a eu, genre, j'ai eu une cousine qui a fait, qui a baissé, elle m'a dit qu'elle allait voir 3 heures dans toute sa formation sur le handicap. C'était intéressant. Et donc, bah, on voit un gars handicapé dans la classe, ça veut dire c'est l'inclusion, tout est merde. Si c'est difficile, on lui met un AVS, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de formation, qui a bac moins 12, voire bac plus 0, en général c'est plutôt moins 3, qui est juste là pour pousser le fauteuil, prendre des notes qui, quand le niveau monte, a priori, n'est pas forcément apte à comprendre. Et cette notion d'inclusion, si on la comprend vraiment comme ça a été fait dans les pays antiques, hein, c'est assez intéressant la façon dont ils ont travaillé là-dessus, ils ont complètement changé la façon de former les enseignants et la façon d'organiser la classe. Et on se rend compte que si on est capable de s'intéresser à un élève handicapé, ben, on est capable de s'intéresser de façon beaucoup plus importante, plus pertinente à tous les autres. Ils ont ce qui est très bizarre, par exemple, c'est que c'était la semaine dernière en Sibérie, et j'étais invité à un colloque où les gens parlent de la FAT, parce qu'ils ont une loi depuis un an ou deux sur l'inclusion des élèves handicapés, mais surtout les élèves. Ils se posent des vagues de questions sur, bah oui, mais du coup, dans l'enseignement, dans la façon d'enseigner, dans la façon d'enseigner aux futurs enseignants, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et moi, j'ai pas l'impression que ce débat dans l'école publique française, il existe. Or, c'est quand même le premier. Enfin, ce qui est tel, c'est que c'est un groupe qui, en plus, a très très peu de moyens de défense. Dès qu'ils ont un rôle sur les budgets, c'est en premier. Dans quelle mesure, déjà, dans quelle mesure la loi de 2005 a pu influencer la formation des enseignants depuis 10 ans, je presse. Et dans quelle mesure, et comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on peut arriver à un moment à faire ça, parce que c'est quand même quelque chose, à mon sens, le fait de changer de paradigme d'enseignement pour aller vers l'inclusion, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup ça, pour la suite, mais pour l'ensemble de la société. Donc il y a beaucoup dans le bon sens. Oui, mais enfin, bon, ça n'a pas commencé avec le handicap, il y avait l'action d'intégration scolaire qui était bien antérieure, qui était des années 70, 80. Mais c'est pas pareil, l'intégration. Oui, je sais. Je sais, mais disons que l'inclusion n'est pas venue tout de suite. Alors, il faut savoir que l'inclusion s'est faite aux dépens de la disparition de toutes les professions spécialisées, d'accord, intervenant avec des élèves caractérisés comme handicapés, par exemple. Il y a eu une disparition massive dans le milieu de l'enseignement primaire, des diplômés qui avaient un diplôme spécial, qui étaient des enseignants formés, par exemple, à la gestion des élèves ayant des troubles mentaux. Et voilà. Toute cette fraction, disons, de du personnel et de sa formation a quasiment disparu. Et on a voulu inclure, mais pour inclure, il fallait peut-être intégrer la formation et l'expérience qu'avaient ces personnels spécialisés qui s'adressaient à des publics dans des filières spécialisées, dans les filières, disons, normal. Et il n'y a rien. Un enseignant qui travaillait, qui avait eu l'expérience de travailler auprès de personnel soignant, qui était lié à la psychiatrie, à la psychologie clinique, etc., et s'entrait dans sa formation, aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel. Donc les enseignants se retrouvent avec des enfants, parfois, dont ils n'ont aucune connaissance, aucune compétence en matière de psychopathologie, etc., pour au contraire, et travailler avec eux. Et la formation telle qu'elle est faite aujourd'hui ne leur donne pas ce temps-là, et ça n'existe pas. Et alors, évidemment, à ça vient pallier le système des EBS, mais alors les EBS, il faut savoir que c'est un peu quand même quelque chose d'un peu scandaleux, parce qu'en fait, ce sont des professions de gens qui sont eux-mêmes en réinsertion sociale, donc des personnes qui ont des difficultés, et qu'on a injectées dans le système éducatif pour s'occuper des élèves, justement, inclus dans les classes, donc en handicap, mais qui eux-mêmes n'avaient pas de compétences particulières, en sachant que les enseignants en poste dans les classes n'en avaient pas non plus par rapport à bien les problèmes que posaient ces modes d'inclusion. Donc ça crée une situation qui est très très compliquée et qui est là aussi source de souffrance, de désagrément, de malentendus et de tension. Disons que les ABS, ils font écran. C'est la base de l'inclusion. Et surtout les professionnels spécifiques, en fait, dans tous les pays où ils font l'inclusion, ils existent encore, ils sont itinérants, ils vont partout. Il y a des réseaux, ce qui s'appelle comme le RASEL, qui avait été à plusieurs reprises tenté d'être supprimé par la droite, par les politiques de droite. Ce sont des réseaux d'aide et d'assistance aux élèves en difficulté, avec notamment la gestion des problèmes scolaires, enfin, difficultés scolaires en termes éducatifs, et des difficultés comportementales et clichés. Donc ces réseaux existent et interviennent, mais ils ont été en partie minorés avec la loi de l'inclusion au lieu d'avoir été développés. Ils ont été là aussi minorés. Oui, il y a aussi les ULIS, les classes spécialisées. Et voilà, il y en a très peu. Et sinon, au niveau de la protection, la loi sur le harcèlement fait que quand même les élèves handicapés peuvent justement être protégés à l'égard des mauvais traitements éventuels sur les élèves. C'est déjà ça aussi. On peut faire la loi pour leur protection. Mais c'est pas suffisant pour évidemment leur propre développement au sein du système de l'école. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? C'est pas nombreux, mais voilà, on a réussi à une bonne dynamique de groupe. Excusez-moi, je rebondis juste. C'est pas suffisant pour leur propre développement, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si on veut faire une société inclusive, c'est la présence de l'élève handicapé dans une classe en Suède, elle est très importante aussi pour les autres. Ça, c'est-à-dire que moi j'ai vu en France, dans l'association de parents, des parents qui signalaient que par exemple, lorsqu'une gamine qui était en primaire, très très bonne, etc., handicapée, arrive au collège, et il y a l'intersyndicale qui demande à ce que l'élève soit refusé au collège, ou des parents en primaire qui vont voir le directeur en disant il y a un gamin handicapé en CE1, bon, l'année prochaine, mon fils est en CE2. Je veux pas que mon enfant soit dans la même classe, sinon je change d'école. En Suède, les parents vont voir le directeur aussi. Il y a un handicapé qui rentre un peu. S'il vous plaît, est-ce que mon fils peut être dans la même classe? Mais parce qu'il y a tout un travail qui est fait là-dessus sur la vie. Mais le fait de s'accepter, d'accepter les différences, ça a aussi un effet sur le fait d'accepter celui qui est, je ne sais pas, noir, celui qui est pauvre, celui qui est. C'est une façon de l'intégrer qui est découpée par la relation au handicap. Et en sachant que donc il existe, moi je ne sais pas si le mot existe, mais il faudrait le dire, une culture du handicap. Parce qu'arriver à accepter son handicap, c'est une leçon pour les autres. Hein, et, et donc à ce titre-là, ça constitue une culture communautaire. Hein, il y a des manières d'être propres aux handicapés. Hein, c'est pas stéréotypé de dire ça, mais des principes de vie qui font qu'on assume le handicap avec dignité, etc. Sens de, d'un minimum de pas de sacrifice, mais enfin au moins de réserve. Parce que c'est ça, toutes ces qualités propres au handicap auraient nécessité d'être davantage connues des autres dans une perspective altéritaire. C'est ça l'anthropologie. Voilà un exemple. On pourrait avancer. Bon. Donc, en vous remerciant de votre présence, de votre participation active, malgré le peu de monde qu'on était.